Chapitre 11. Il mourut exactement 6 mois après, en octobre 82. Il continua pendant quelque temps d'aller à l'école, mais il ne travaillait plus. Lui, si appliqué autrefois, ni son histoire, ni sa géographie, ni le beau livre à dos rouge où il avait des dessins représentant toute espèce d'animaux, rien n'arrivait plus à l'intéresser. Son carnet devenait de plus en plus mauvais, les observations portaient, devient distrait, rêve au lieu d'écouter. Une fois, j'eus la visite de son maître, il me dit « Je tenais à vous voir au sujet de votre fils. Il m'inquiète, ce garçon. C'est inouï ce qu'il a changé. Il doit gauger quelque chose. » Je hochai la tête, je dis « Le chagrin !» L'autre hocha comme moi la tête. On se comprenait. Il reprit « Il aurait besoin de vacances. » Le printemps venait, je pensais « Ça lui fera du bien d'être au grand air. » Il fut convenu qu'Henri ne rentrerait pas à l'école avant qu'il fût tout à fait rétabli. Les poiriers et les pommiers venaient de fleurir, l'herbe était déjà haute, je travaillais dans le jardin. Je prenais un ton faussement gai pour l'appeler « Et Henri, et tes lapins ?» Il était assis sur une chaise près de la porte de la cuisine, à peine s'il levait la tête. « Je ne sais pas. Leur as-tu donné à manger ce matin ?»« Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas ?» La vérité était qu'il ne s'occupait plus d'eux. Il les aurait laissés crever de faim si je n'en avais pas pris soin à sa place. J'aurais dû le gronder. Je n'en avais pas le courage. Et qu'importait d'ailleurs si lui-même eût mangé. Mais il ne mangeait plus. Quand j'arrivais à l'heure des repas, je le trouvais blotti dans son coin de la cuisine. Je l'appelais, il se mettait à table, son assiette restait pleine. Il n'y avait pas de paroles qui y pussent rien. Ni cajolerie, ni réprimande ne venaient à bout de son entêtement. Me voyait-il seulement? M'entendait-il? Comprenait-il? C'était ce que je me demandais. Et alors, chaque fois que je me posais la question, c'était en moi une grande douleur. Parce que je l'aimais maintenant, comme je n'avais encore aimé personne. Tout mon amour inemployé s'était reporté sur lui. Je l'aimais comme de deux amours, l'un fait de souvenirs, l'autre d'une présence. Je l'aimais pour lui-même et pour celle qui n'était plus. Alors, on voit assez de quelle dureté était pour moi le choc quand je me heurtais à ce front têtu et cette figure fermée. Le grand tourment fut de sentir que le petit m'échappait toujours plus, tourné qu'il était tout entier vers quelque chose en dehors de la terre. Son corps encore là, mais plus rien que son corps. Et si frêle déjà. Et tous les jours un peu plus frêle, une trop grosse tête sur un corps trop maigre et trop long. Je venais avec mon rire appris et mes sottes plaisanteries. Qu'est-ce que c'est? On boude à sa soupe? C'est des ortolans qu'il te faut? Je cherchais à le tromper et à me tromper en même temps. Pendant la maladie de Louise, déjà, j'avais pris congé à plusieurs reprises. Je me rendis de nouveau auprès de M. Guignard et je lui dis que je n'avais pas le cœur de laisser le petit seul dans l'état où il était. Il m'approuva. « Allez seulement, me dit-il, on tâchera de se passer de vous. » Il avait bien vu que je n'étais plus à mon ouvrage. Poutre, blanche, machine et le reste, tout m'était devenu indifférent. Comme je ne gagnais plus rien, j'empruntais sur la maison, l'argent s'en allait vite, mais cela aussi m'était bien égal. Qu'est-ce que c'est que ces piles d'écus et ces liasses de billets de banque et tous ces titres, comme on dit, qui ne sont qu'un peu de papier? Quand quelqu'un qu'on a aimé vous a quitté pour toujours, et que ce quelqu'un d'autre qui reste, c'est comme s'il n'était déjà plus avec vous. J'aurais donné tout ce que j'avais pour un sourire d'Henri. Il semblait qu'il eût désappris pour toujours de sourire. Les seuls moments où il reprenait vie étaient les 2 jours par semaine où on allait au cimetière. Je lui avais acheté un petit arrosoir, on déterrait dans le jardin les plus belles plantes avec leurs mottes, on les serrait dans le fond d'un panier, on cueillait aussi des bouquets, il n'y avait jamais assez de fleurs. Quand il n'y en avait plus chez nous, j'en envoyais chercher chez un jardinier de la ville, en sorte que pour finir, non seulement le panier était plein, mais encore le tablier d'Henri. C'était tout de suite après la grille. D'abord, nous restions sans bouger, on regardait les 3 carrés de terre, entourés depuis peu d'une bordure de buis qui commençait seulement de reprendre. Un long moment, on se taisait, puis on se mettait à l'ouvrage. Il ne fallait pas qu'on vît le moindre pétale fané ou la moindre feuille jaunie. Le petit allait remplir son arrosoir à la fontaine et arrosait. Moi, je sarclais et je plantais. Les rosiers avaient besoin d'être échenillés, le lierre d'être attaché. On avait fait venir un saule. Il devait y avoir plus tard un entourage de fer. On ferait grimper le lierre à l'entourage et au tronc du saule un des rosiers. En attendant, la tombe était toute fleurie. Consolation pour nous dans ce printemps trop éclatant, avec trop d'oiseaux et de cris, et la soie du ciel trop brillante, quand même des nuages par moments y passaient, mais eux aussi brillaient tout dorés ou tout roses, ou tout en argent au milieu du jour. Je mettais mes mains sur mes yeux, tâchant de ne plus voir, m'absorbant dans cette image que j'avais au-dedans de moi. J'ouvrais mes mains, il faisait doux. Je disais « Henri, combien d'arrosoirs ?» Il disait « 15 ». Je disais « C'est assez ». Mais il baissait la tête tristement, et je reprenais « Eh bien, encore un ». Il semblait de nouveau tout gai, puis il retombait à sa tristesse. C'était quand nous repartions et on refermait doucement la grille. Chaque fois, il nous semblait que la morte mourait un peu plus. On allait machinalement dans la direction de la maison, mais rien ne nous y appelait. Au contraire, on avait peur d'y arriver. C'est que personne ne nous y attendait. Il faisait déjà sombre, et au lieu de la chère voix accoutumée, j'entendis seulement tousser le petit Henri. Je me dis, il faut absolument le distraire. Il eut tous les jouets que je pus me procurer. Je lui achetai un jeu de croquet, il ne le regarda même pas. Je pensais que les livres auraient plus de succès, à peine s'il les ouvrit. J'essayais de lui faire la lecture à haute voix. Je vis bien vite que je l'ennuyais. Comme le docteur m'avait recommandé de le garder le plus possible au grand air, j'allais m'installer avec lui dans la tonnelle du jardin. Elle était à présent tout habillée de vigne du Canada, avec du houblon d'un côté. Au milieu, il y avait une table, faite d'un gros pieu enfoncé en terre et de deux planches clouées dessus. J'ouvrais le jeu de loi. Je me disais, il te faut t'appliquer le premier à paraître t'amuser. Peut-être qu'il te suivra. Je lui montrais les figures du jeu de loi. Je lui disais, là c'est le puits, on tombe dedans. Là c'est le labyrinthe, on ne peut pas en sortir. Là où loi a la tête tournée en arrière, on recule, au lieu d'avancer. Tu commences, jette les dés. Il était docile. Il jetait les dés. 7. Tu comptes 7 cases. Je jetais les dés à mon tour. 3 seulement. Eh bien c'est du joli. Tu es déjà en avance sur moi. Mais il ne souriait même pas. Au contraire, sa figure, quand il comptait les points, prenait une expression d'effort et de fatigue. Très souvent, il comptait faux. Et j'avais soin de le laisser gagner, avec des récompenses qu'il y avait pour les gagnants, du chocolat ou bien des figues. Il n'y prenait aucun plaisir à son chocolat et à ses figues. « Eh bien, Henri, tu as gagné. »« Oui, répondait-il, j'ai gagné. » Je faisais venir le docteur. Il maigrit toujours plus, que faire ? Le docteur me répondait, il faut qu'il mange. C'était tout ce qu'il me répondait, mais moi je m'acharnais après lui comme s'il m'eût caché des secrets qu'il avait, me disant, il y a sa science, et mes paroles étaient comme des mains qui se tendaient. Il prenait un air ennuyé, il me disait, vous comprenez ? Mais non, je ne comprenais pas. Vous comprenez, dans cet état, enfin on pourrait encore essayer. C'est un nouveau traitement. Je crains seulement qu'il ne soit un peu coûteux. Qu'est-ce que ça fait ? « Eh bien alors, disait-il. » Il paraissait réfléchir, il tirait un carnet de sa poche, il faisait tourner entre ses doigts le bout d'un porte-mine d'argent. « En ai-je acheté des remèdes ? Y en a-t-il eu de ces bouteilles ? Il me semblait qu'il y avait de la vie dans ces bouteilles. » C'était de l'eau. Tout resta inutile. J'essayais alors des gâteries, et jusqu'en juin, Henri eut des raisins frais qui se vendaient dans des caissettes qu'on faisait venir de très loin. Il eut des pigeons rôtis comme les riches, les meilleurs vins, toutes les primeurs. Il semblait prendre plaisir à sa grappe commencée. Déjà, je me réjouissais. Puis, voilà, il la mettait de côté, il disait « Je ne peux plus ». Il était tout en caprice. Les choses les plus fines, il boudait devant. Et après toute la peine qu'on avait eue à les lui préparer, il fallait avoir le chagrin de voir qu'il n'y touchait même pas. Quelquefois, je me disais que je le gâtais trop. Je pensais, tu devrais un peu le gronder, mais il me suffisait de le regarder pour changer d'idée. Je me sentais toujours plus timide devant lui. Comme il restait sans rien dire, continuant de regarder dans le vide, « À quoi penses-tu » lui demandai-je. Il me répondait, à rien. À quoi il pensait, je le savais bien. Pourtant, il ne me parlait jamais d'elle. Sans doute ne voulait-il pas la partager avec moi. Je renfonçais alors en moi ma tendresse, retenue que j'étais par cet air qu'il avait. Pendant ce temps, l'été était venu. De grosses roses, couleur de joues fraîches, éclataient au bout des branches qu'elles faisaient pencher à cause de leur poids. J'avais mal à les voir. C'était le temps où les abeilles ont les pattes lourdes de la petite poudre jaune qu'elles vont puiser dans les fleurs. Les cerises mûrissent, les voilà qui sont mûres, elles sèchent déjà. Mais tous les autres fruits les suivent, et l'eau qu'on répand sur la terre chaude fait un bruit comme du beurre sur le feu. Il restait couché maintenant toute la journée sur une chaise longue en jonc qu'on descendait le matin au jardin, et à mesure que le soleil tournait, on la déplaçait le long de l'allée. J'eus l'idée que peut-être des visites le distrairaient. Il avait un ami à l'école. On le fit venir, il ne le regarda pas. Les enfants à Maudru non plus, les enfants Guignard non plus. Décidément, rien n'y faisait. Et moi, le soir, seul dans ma chambre, je me désespérais et me tordais les mains. Je laissais ma porte ouverte, la sienne aussi restait ouverte. D'abord, je l'entendais tousser, puis plus rien. Ayant ôté mes souliers, je me promenais pieds nus de long en large. Il fallait que je tâchasse de me tromper par ce mouvement que je me donnais. Une heure ou deux passaient ainsi, puis je me disais, il dort. À pas étouffés, retenant mon souffle, je me glissais jusqu'à son lit. Il n'y avait pas de lumière, je ne distinguais d'abord que la blancheur des draps dans l'ombre. Mais, avant de les voir, ses yeux, je les sentais posés sur moi, et je me sentais chanceler, comme si on m'eût frappé du tranchant de la main la jointure de la jambe. « Tu ne dors pas ?»« Je ne peux pas. » Il y avait un grand silence. « Il te faut tâcher de dormir. » Il me disait, « Je tâcherai. » Est-ce qu'il a seulement jamais compris que je l'aimais, puisque je n'ai jamais osé le lui dire ? Cela aurait dû être visible pour lui dans tous mes actes et tous mes gestes. Il ne paraissait pas s'en apercevoir. Nouveau tourment pour moi, peine ajoutée aux autres. Et faisant un mouvement en avant du menton, je tâchais encore de parler. Seulement rien ne sortait. Je m'en allais, je rentrais dans ma chambre, je me déshabillais à moitié, je m'étendais sur mon lit. Moi non plus, je ne dormais pas. Mais quelquefois, vers le matin, une sorte de demi-sommeil me venait, plein de rêves, et dans cette confusion d'images où j'étais très loin, comme dans un brouillard, Louise m'apparaissait soudain. Elle appelait quelqu'un. Était-ce moi qu'elle appelait ? Peut-être que oui. J'étais tout heureux. Mais au même moment, j'entendais Henri lui répondre. Il était à côté de moi. Je l'attrapais par ses vêtements, cherchant à le retenir, mais il m'échappait. En un rien de temps, il avait rejoint sa mère qui lui ouvrait ses bras, et à peine l'avait-elle pris et serré contre elle qu'ils avaient tous deux disparu. Je restais seul. Je sentais que le rêve ne mentait pas, et que c'était cela qui devait arriver. Cela arriva en effet. Cela arriva très vite. En septembre, il devint plus malade. Comme avec une pioche, la toux avait été creusant dans sa poitrine. Sa poitrine se mit à sonner le vide. Il n'y avait plus rien sous ses côtes. Il broutait l'air du bout des lèvres, mais cette nourriture, il ne la digérait plus. C'est une façon de mourir de faim. Je le voyais qui bleuissait, et pendant qu'il serrait les dents, les yeux lui sortaient de la tête. Il retombait en arrière, tout à fait comme sa mère. Il lui ressemblait toujours plus. Mais l'étonnant alors et le plus douloureux pour moi était que plus il devenait malade, plus il paraissait heureux. C'est en ce temps-là qu'il recommença à sourire. Il ne me souriait pas à moi, il souriait en l'air, à des choses. Il regardait au plafond comme s'il s'attendait qu'une porte s'y ouvrît, par où il pourrait s'échapper. On aurait dit qu'il appelait ce moment-là par son sourire. Moi, c'était comme si je n'existais pas. Pour me rappeler à lui, je me mouchais ou bien j'allais fermer la fenêtre. Tout restait inutile. Je n'étais décidément plus rien pour lui. Il me fallait faire un effort pour ne pas lui dire « Henri, tu ne penses pas à moi ». Car c'était cela que tout mon cœur criait, et ma bouche eût voulu obéir à mon cœur, mais une honte me retenait, une fausse honte. Je mordais le bord de ma bouche, l'aspirant en dedans. Je serrais dans mon cou le sanglot qui allait sortir. Je serrais le bout de mes doigts contre le dedans de ma paume. J'ai été une bonne garde-malade. J'ai tout fait pour lui. Durant ce dernier mois qu'il passa tout entier au lit, je ne l'ai pas quitté un instant. Mais, un matin, il se mit à sourire davantage, et alors je compris que tout était fini. Il y eut beaucoup de monde à l'enterrement. On nous fit ranger, nos parents et moi. Il y avait deux ou trois cousins de Louise qui étaient venus, sur un rang. Les gens, un à un, défilèrent, chacun à son tour me serrant la main. Je me tenais bien droit, mes souliers étaient cirés, j'avais des habits propres. Quand ce fut fini, on nous dit « Vous pouvez vous retirer ». Les autres restèrent pour la besogne. Il avait un peu plu, on glissait dans la terre glaise, mais l'allée était gravelée où je m'avançais maintenant. Il se trouva que j'étais seul. À un moment donné, le pasteur s'approcha de moi. Je secouai la tête, je lui dis « Je sais, monsieur le pasteur ». Il fut bon, il n'insista pas, mais à la sortie, je trouvai monsieur Guignard qui m'attendait. Je tenais à vous serrer encore une fois la main, et puis à vous dire aussi qu'il est bien entendu que si vous voulez revenir chez moi, vous y trouverez toujours un ami. Je dis, je vous remercie, mais je ne reviendrai pas chez vous, monsieur Guignard. Il n'eut pas l'air de bien comprendre. Il pensa seulement que je désirais rester seul. Il me laissa. Je rentrai à la maison. Le lendemain, j'allai chez l'agent d'affaires par l'intermédiaire de qui je l'avais acheté, et je lui dis que je voulais la vendre. Il me répondit qu'il ne connaissait aucun acheteur. Je lui tins le discours suivant. Je veux m'en débarrasser tout de suite. Elle vaut 15 000 francs, j'en dois 11 000 dessus, reste 4 000. Donnez-m'en 1 000, et elle est à vous. Je parlais avec calme, tandis qu'il me regardait en écarquillant les yeux. Je continuai, je voudrais partir le plus tôt possible. Où est-ce que vous allez? Je voudrais partir. J'eus mes 1 000 francs, je rentrai de nouveau chez moi, je fis un choix parmi les petits objets qui avaient appartenu à Louise. Je ne gardai rien qu'une broche d'or que je lui avais donnée au moment de nos fiançailles. Tout le reste fut brûlé, entre autres une photographie. Chapitre 12. Je fermai la porte à clé. Je cachai la clé derrière la gouttière, comme il avait été convenu entre M. Bron et moi. Je ne pris point à travers champs. Je suivis le chemin de tout le monde. Je n'avais pas à me cacher. On pensait, voilà Belay qui s'en va, il est fou. Mais on n'osait rien me dire, parce que je ne regardais ni à droite ni à gauche. Ainsi Vevey fut traversé, et je rejoignis la grande rue, par où je parvins bientôt à la route qui longe le lac. Elle était dure sous les pieds, et éclatante à l'œil avec de la poussière. Un peu de bise soufflait encore, arrondissant par moments devant moi un blanc nuage transparent. Je m'avançai le long des murs, d'où les vignes, en pente raide, par petits étages pierreux, vont rejoindre plus en arrière le penchant de la montagne dont les sommets verts se voyaient. On venait de finir la vendange, mais le lac était bleu à cause de la bise, tellement bleu par place que le ciel semblait sans couleur. On distinguait très bien sur l'autre rive les grands rochers carrés des Alpes savoyardes. La Dandoche avait ôté son bonnet. Tout était parfaitement clair, à part une petite brume tendue entre les deux rives, comme un rideau trop long dont le bas aurait fait des plis. La bise était assez fraîche, mais le fond de l'air restait chaud. J'avais ôté ma veste et je la portais sur mon bras. Seulement, il n'y avait pas que ma veste qui me gêna. Mon chapeau me gênait aussi. Je le repoussai en arrière. J'avais besoin d'avoir le front découvert. Il me semblait qu'il avait gonflé et qu'il continuait de gonfler comme sous une poussée qui se faisait depuis dedans. En même temps, les tempes me battaient. Ce bruit résonnait sourdement dans ma tête, m'empêchant de m'entendre penser. Mais on respire largement s'il faut. Alors on aurait dit que deux tampons d'ouates me tombaient des oreilles et les bruits du dehors remplaçaient ceux du dedans. Le bruit des vagues m'arrivait, ou bien quand un peuplier se dressait au bord de la route, c'était l'espèce de sifflement avec lequel la bise le parcourait de bas en haut, appointissant sa cime, et puis la faisant brusquement pencher. Mais tout cela était de nouveau supprimé. Il ne restait plus que le choc régulier de cet autre pas dans ma tête qui était celui de mon cœur. Parce qu'il avançait lui aussi. Il faisait du chemin lui aussi. Je me disais, ils sont ensemble. Le fils est près de la mère, ils sont réunis, ils sont bien. Et je vis pourquoi je fuyais, derrière mon cœur qui me précédait, si on peut parler de la sorte. Ils étaient les trois. J'étais seul. Ils n'avaient pas besoin de moi. Je m'en allais. M'en aller n'est pas assez fort. C'était comme s'ils m'avaient chassé. Alors le lac, le ciel, les murs des vignes, les vignes au-dessus des murs, les oiseaux qui passaient dans l'air, les hommes que je rencontrais, tout ce qui était beau, tout ce qui était seulement en vie. J'aurais voulu voir disparaître toutes ces choses d'autour de moi. Puisque plus rien ne me restait, rien ne devait rester aux autres. Pourtant le soleil continuait à briller, et les hauts peupliers qui bougeaient doucement semblaient, avec leurs fines pointes, écrire des choses dans le ciel. Il continuait de faire bleu sur le lac. La montagne continuait de luire avec des petits reflets d'argent au tranchant des rochers. Je m'arrêtais à Saint-Symphorin pour boire. Quand j'eus bu, la faim me vint et je mangeai. Je commandai du pain et du fromage. J'avais sur moi les 1000 francs qui me restaient de la maison. J'étais riche, je me disais. Profite au moins du seul plaisir qui te reste, qui est de boire et de manger. Cependant, le temps passait. J'entendis sonner midi à la maison de commune, puis l'après-midi s'avança, et moi, je restais assis à ma table, buvant toujours. N'étais-je pas dans l'endroit du canton où on trouve le meilleur vin? Je le humais, lentement, faisant claquer ma langue, comme les connaisseurs, suçant ma moustache, après chaque gorgée. Je me remis en route vers les 2 heures, mais je me sentais fatigué. C'est pourquoi, à peine sorti du village, un arbre s'étant présenté, j'allais m'étendre dessous. C'était un saule. Je dormis dans le sable. Jusqu'à 5 heures, ou à peu près. Puis, je brossai de la main mon pantalon, et comme mes souliers étaient blancs de poussière, je les essuyai avec mon mouchoir. Il ne me restait plus beaucoup d'idées dans la tête, mais il m'aurait déplu de n'avoir pas bonne façon. Je me disais « Tiens-toi bien, Samuel ». J'étais reparti d'un bon pas. Cully déjà se montrait de l'autre côté de son golfe, à la courbe bien arrondie, que la route étroitement en serre, et un gros bouquet d'arbres noirs sur le bas du ciel vivement éclairé marquait en avant de la ville la place du débarcadère. On ne voyait d'ailleurs personne. De temps en temps, je passais devant un pressoir d'où sortait une odeur qui vous piquait dans le nez. Ils étaient vides pour la plupart. Comme j'approchais de Cully, j'avais vu s'ouvrir devant moi la grand-rue tortueuse, en mains endroits, comme étranglé par l'avancement des maisons, un air de fanfare m'arrive. Je m'approche d'une vieille femme qui se tenait devant sa porte, et je lui demande ce que c'est. Elle me dit « Vous ne savez pas, vous n'êtes pas du pays alors, c'est la mascarade ». Des têtes en effet se montraient partout aux fenêtres. Je vois le boulanger avec ses 2 mitrons sortir de sa boutique, et tous les 3 blancs de farine, ils se mettent à regarder. Ils se tenaient au tournant de la rue où j'arrivais en ce moment. Tout à coup, devant moi, j'aperçois sur la place de l'hôtel de ville le cortège qui se formait. Il y avait Bacchus sur son tonneau, il y avait des vendangeurs et des vendangeuses dans leurs costumes de la fête des vignerons, il y avait aussi des gymnastes et la confrérie avec son drapeau. Mais un monsieur à bicorne et à perruque leva sa canne, le cortège s'ébranla, tournant à gauche, il prit par les rues hautes, devant faire son tour de ville avant de revenir vers nous. Comme on savait qu'il n'allait pas tarder à reparaître, les gens n'avaient pas quitté leur place. Moi, machinalement, j'avais fait halte devant le perron de l'hôtel de ville, et moi aussi j'attendais. Il y avait foule à cet endroit. De tous côtés, on entendait rire. Des bandes de petits garçons et de fillettes couraient autour de la place en criant. Les maisons continuaient de se vider dans les rues. Les gens s'abordaient avec des plaisanteries, ou s'appelaient les uns les autres de loin. On buvait ferme, dans les cafés, tout était sans dessus-dessous. Et un grand bruit montait, d'entre les toits, presque rejoints, vers le calme ciel rose que le soleil avait quitté, car c'était maintenant tout à fait le soir. Mais à ce moment, une grande lueur se mit à bouger au-dessus des toits, éclairant le bord des gouttières et se déplaçant lentement d'une maison à l'autre, selon le sens des rues où le cortège s'engageait. En même temps, la musique, un moment affaiblie, se mit à forcir de nouveau, et juste en face de moi, descendant la ruelle, si bien qu'on le voyait dans toute sa longueur, le cortège reparut. En tête venait la fanfare, puis la confrérie avec son drapeau, puis Bacchus avec les bacchantes, qui étaient des gymnastes costumés, enfin les vendangeurs et les vendangeuses se donnant le bras. Les reflets rouges des torches vacillaient au-dessus des groupes, roulant de l'un à l'autre, s'obscurcissant soudain pour se raviver aussitôt. Une épaisse fumée noire s'élevait formant voûte, et contre cette voûte et contre les façades, d'immenses ombres noires bougeaient. Un bras qu'on levait semblait un tronc d'arbre, une tête, un arbre tout entier. La musique là-dedans faisait un tapage terrible, la grosse caisse et les cymbales trouant l'air à chaque mesure, tandis que les pistons le déchiraient autour de vous. De tous côtés, les applaudissements éclatèrent. Une poussée se fit, tout le monde s'avançant de manière à ne laisser au cortège que juste la place qu'il lui fallait pour passer. Je suis pris dans la poussée, je me trouve au premier rang. La fanfare arrivait, je me jette au-devant d'elle, et étendant le bras, « Arrêtez !» que je crie, « Arrêtez, tas de fous !» Il continuait d'avancer. Moi, j'étais bien forcé de reculer sous peine de tomber à la renverse. Mais je ne reculais que pas à pas, gênant les musiciens, dont plusieurs déjà avaient cessé de jouer. Toutes les têtes s'étaient tournées vers moi, on me croyait saoul, ce qui faisait rire certaines personnes, d'autres au contraire se fâchaient. « Tirez-le de là » criait-on, « en voilà un qui a du toupet quand même. Flanquez-le sous la bossette, s'il ne veut pas s'en aller. » Je n'en restais pas moins au milieu de la rue et continuais de crier. « Lesquels savent le mieux ce qu'ils font de vous ou de moi ? Qui est le plus saoul de vous ou de moi ? Vous ne savez pas pourquoi vous riez ? Moi, je sais pourquoi je pleure. Alors je m'avance au-devant de vous. Je vous dis, arrêtez-vous, sans quoi je vous arrête, tonnerre de Dieu. » On me huait, à présent. N'importe. La fanfare avait été obligée de ralentir son allure et par suite tout le cortège. Un grand désordre le gagnait. Les groupes entraient les uns dans les autres. Les chevaux effrayés se cabraient. Un grand remous se fait. Je vois une vingtaine d'hommes se précipiter à la fois sur moi parce qu'ils en avaient assez. Je me sens pris par les épaules, je roule par terre, on me traîne sur le pavé, et comme le passage était de nouveau libre, la fanfare repart, ayant attaqué une marche, pendant que de tous les côtés des poings s'abattent sur moi. Mais, au fond, on ne m'en voulait pas. Comme j'ai dit, on croyait que j'étais seulement ivre, et on ne tient pas rigueur aux ivrognes. Dès que la rue s'était retrouvée dégagée, on m'avait lâché, et ce furent de gros rires qui m'accueillirent quand je me relevais. Des rires, des bons mots, toute espèce de moqueries et de questions à double sens. Quelqu'un m'avait enfoncé jusqu'aux yeux mon chapeau. Je dus le remonter des deux mains. Nouveau rire. Pendant ce temps, la fanfare avait passé, et la confrérie après elle. Bacchus arrivait maintenant en haut de son tonneau où il était assis, les jambes écartées. Il dépassait toutes les têtes. On n'apercevait plus que lui. C'était un jeune garçon de 16 ans environ, vêtu seulement d'un maillot rose qui lui dessinait le corps. Une couronne de feuilles de vigne entourait ses cheveux noirs. Une coupe à la main, il souriait aux gens, avec son corps tout rose. Les hommes levaient leurs chapeaux vers lui, le saluant, tandis que les femmes lui envoyaient des baisers. Mais moi, ma fureur m'avait repris. Me dégageant d'un brusque mouvement, je fends la foule, et m'avançant vers lui jusqu'à toucher les roues qui lentement tournaient. Elles étaient, elles aussi, ornées de guirlandes en feuilles de vigne avec des roses en papier. « Bougre de va-tout-nu, attends seulement que je te foute en bas de ton char !» En même temps, je lui faisais le poing, car ma colère s'était accrue encore à ce spectacle qu'il offrait, et à le voir ainsi tout nu, sous sa couronne, quand moi je souffrais tellement. Et le geste suivit de près les mots. Au risque de me faire écraser, je m'accroche à la chaîne qui maintenait le tonneau sur le char, et me tirant en l'air à la force des bras, pendant que du pied je cherchais l'appui des traverses, je me hisse vers lui. Il souriait toujours, et comme quand on veut boire à la santé de quelqu'un, tendant vers moi sa coupe, il fit mine de la vider. Ce fut mon salut, ce geste, car Dieu sait sans cela ce qui me serait arrivé. En le voyant si calme, on pensa que je plaisantais, et l'idée que je devais être saoul y aida. On crut à une bonne farce. On m'applaudit, moi aussi. Quelqu'un cria « Montez-le sur la bossette, il y aura deux Bacchus au lieu d'un !» À peine avait-il achevé que tout fut dans le tumulte. Un flot de gens se porta vers moi, et on me poussait vers en haut d'en dessous. Les bacchantes amusées cédaient, les vendangeurs et les vendangeuses, ceux aussi qui regardaient. Je n'eus qu'à me laisser tomber sur le tonneau. De grands cris de toutes parts m'accueillirent. On était là pour s'amuser, n'est-ce pas ? On s'amusait. Des femmes battaient des mains aux fenêtres. Et moi, vainement, je me débattais, et m'adressant aux gens qui m'entouraient, « Païens, leur disais-je, Soulon, c'est du joli ce que vous faites, si vous saviez seulement qui je suis et par où j'ai passé avant de venir ici. » Mais tout était inutile. On ne faisait que rire plus fort. Alors ce fut comme si mon cœur se retournait. Je vis son autre côté. Un gros sanglot me vint, je l'étouffai, aussitôt après, j'éclatais de rire. Le cortège arrivait au lac. Un grand feu de Bengale s'alluma à l'entrée du débarcadère, éclairant le dessous des grands arbres et le monument du major Davel. On aperçut soudain la place sortir de l'ombre, avec son court gazon qui avait l'air trempé de sang, et toute la ville nous ayant suivis, en moins de rien l'espace libre fut envahi, et l'allée aussi sous les arbres, et le quai jusqu'au mur où les petits bateaux sont amarrés. Un grand remous encore, puis le char s'arrêta. On m'en descendit le premier, et Bacchus après moi. D'autres feux de Bengale s'allumaient tout autour de nous. Je vis un Bacchus à grosses joues rouges. Toute sa figure était rouge. Il s'approcha de moi. « Salut, Bacchus II !» me dit-il. Il me serra la main. « C'est pas Bacchus !» dit quelqu'un. « C'est Silène !»« Il manque l'âne !» dit un autre. « On lui en trouvera bien !» La fanfare, s'étant rangée en rond, se mit à jouer une danse. On apportait des verres et des bouteilles. Je bus. Ça me faisait du bien. Les verres rapidement se succédèrent. Devant moi, encore une fois, parut le lac sous les grands arbres, avec des têtes passant dessus. Puis ce fut comme si un vent avait soufflé les lumières. Une grande nuit tomba. Le lendemain matin, je me réveillai dans une chambre d'auberge. Je ne me souvenais de rien. La patronne me dit qu'on m'avait amené chez elle parce qu'on ne savait pas où je logeais. Comme je n'avais plus bien ma tête, je n'avais pas pu donner mon adresse. Je lui demandais ce que je lui devais. Je payais ma note qui se montait à 2 francs, y compris la tasse de café que je bus avant de partir. Et de nouveau, la route brillante fut devant moi, avec dans le ciel des petits nuages. Je fermais un peu les yeux, il me faisait mal. De temps en temps, un oiseau s'envolait, et, montant de travers, il allait se poser sur les fils du télégraphe. Il y avait aussi des vols de grives, mais peu nombreux, le raisin étant cueilli. La route peu à peu abandonnait le bord du lac. À ma droite, où était la pente, les vignes s'étageaient toujours. Mais, à ma gauche, elles faisaient de plus en plus place à des prés et à des vergers. Je traversais Lutry, puis Paudet, puis Pully. Je passais un pont jeté sur un ruisseau. Tout à coup, le pays se parsema de maisons, c'était Lausanne. Je ne m'y arrêtais point. Il y avait trop de monde pour moi. Midi sonnait comme j'y arrivais. C'est l'heure où on sort des écoles. La place Saint-François était pleine d'étudiants à casquettes, vertes ou blanches. Je marchais à grands pas, la tête baissée, comme si j'avais eu peur qu'on ne me reconnût. Pourtant, je ne risquais rien, mais on a ses idées. Je pris par le grand pont, je fus bientôt hors de ville. À Montétan, la route bifurque, je me dirigeais du côté du lac. Où j'allais, je le savais bien, mais je n'aurais pas osé me l'avouer à moi-même. On a ce sens des animaux qui font qu'ils vont mourir à l'endroit d'où ils sont sortis. On a besoin de refermer le cercle. C'est pourquoi je n'hésitais pas quand le poteau se dressa devant moi, portant 2 écriteaux qui se joignaient à angle aigu. Après avoir monté, la route s'était mise à descendre. Il me semblait que c'était à dessein. J'étais ainsi encouragé à avancer, quoique mon mal de tête allât toujours croissant et mes jambes étaient de plus en plus molles. Mais je n'avais qu'à me laisser aller à la pente. Je m'arrêtai à Prilly pour manger. Peu après Prilly, je quittai la route et pris à travers champs du côté de Renan. Après Renan vint Saint-Sulpice. De nouveau le lac se mit à briller devant moi, tandis que la petite église à tour carrée montrait dans le soleil son toit de tuiles et ses vieux murs crépis. Je vis que je n'étais plus loin du lieu que je savais. Il n'était pas encore visible que déjà il s'était remis à vivre en moi. Quand je gardais les yeux ouverts, il y avait encore que des champs et des prés à perte de vue. Dès que je les fermais, c'était lui qui m'apparaissait, et une autre petite église à clocher pointu, celle-là, couverte de tuiles rouges, avec son coq tourné dans la direction du vent. Alors tout le vieux passé oublié revint, faisant comme une bourre dans le creux de ma tête, je me répétais, il y a 20 ans. Pour la première fois, je voyais nettement ce qui me séparait de celui que j'étais alors. Pourtant, quand j'allais à ces années mêmes, les prenant et les soupesant, je me disais qu'il ne m'en restait rien. Un peu de bourre, comme j'ai dit, elle gênait le mécanisme. J'avais de plus en plus de peine à avancer. Il vint même un moment où je m'arrêtais tout à fait. C'était en haut d'une côte, et puis, peu à peu, je rouvris les yeux. Et je vis que les choses rêvées étaient devenues de la réalité. Une échelle était dressée contre le tronc d'un pommier, mais les pommes sans doute avaient été déjà cueillies, car le feuillage n'en montrait plus. Il n'y avait personne sur l'arbre. Un peu plus haut venait un petit bois. Là, j'avais été, certains jours, mener un sac de blé, et j'étais revenu avec un sac de farine. Je laissais pendre mes jambes sur le côté du char. Dans le bois, il faisait de l'ombre. Elle était assise au bord du chemin, un gros panier à côté d'elle. « C'est vrai, pensais-je, tout ça est vrai. » Et néanmoins, je secouais la tête comme le cheval quand il a des mouches. Je m'efforçais de regarder en face les choses au lieu de ses idées en moi. Un homme rentrait de la bourrée, marchant à côté de sa charrue. Il se retourna et me vit, mais il ne fit pas attention à moi. À l'entrée du village, devant une maison, des petites filles jouaient à la poupée. Elles ne firent pas attention à moi. Il n'y avait presque personne dans la rue. C'est qu'on était en train de traire. Bientôt, je fus arrivé devant les 22 cantons. L'enseigne avait été repeinte, où on voyait les 22 écussons rangés en rond autour de la croix fédérale. Quant au reste, rien n'avait changé. À une des mangeoires de bois qui étaient appliquées au mur de chaque côté du perron, un cheval attelé à un char à banc attendait. Il n'y avait qu'un client dans la salle à boire. J'allai m'asseoir aussi loin de lui que je pus. Ayant décroché mon sac, je le déposai sous mon banc, puis croisai les jambes, et posant mes poings devant moi, j'attendis qu'on vînt me servir. Ce fut une jeune fille. Elle devait être née depuis que j'avais quitté le pays. « Que voulez-vous ? » Je dis à boire et du bon, vous savez, ce que vous avez de meilleur. On entendait le cheval frapper par moments le pavé. Des petits rideaux blancs tenus relevés par des lacets rouges pendaient aux fenêtres. Des affiches militaires étaient piquées au mur. Sur l'une, on lisait la liste des écoles qu'il y aurait pendant l'année. Il y avait aussi un portrait de Victor Ruffy, conseiller fédéral. Mais, grâce à la fumée des pipes, le plafond était devenu un peu plus noir qu'autrefois, et le plancher de sapin rongé par les clous des souliers montrait la saillie de ses nœuds. Les tables peintes en brun étaient alignées tout autour des murs. Au milieu, il y en avait une plus grande. Je m'acharnais à ces choses avec mes yeux, tâchant de me reprendre à elles, puisque j'étais de nouveau parmi elles, mais je n'y arrivais pas encore. Tout à coup, mon regard rencontra celui de l'homme. Alors, quelque chose de bizarre se passa en moi. Je ne compris pas tout de suite ce que c'était. Je continuai de regarder l'homme. Lui ne me regardait plus. Il regardait devant lui, par terre. Il n'avait pas pris garde à moi. Mais moi, comme quand avec un percet, on va dans le bois. Ainsi, avec mon œil, j'allais fouillant en lui. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, peut-être, mais qui avait déjà le poil tout gris. Il portait une blouse bleue déteinte. Son col de chemise, aux boutonnières déchirées, découvrait son cou crevassé. Il avait une barbe d'au moins 8 jours et une grosse moustache qui lui tombait sur la bouche. Il buvait de l'eau-de-vie tout en fumant une pipe de terre. Il avait les joues creuses. Par moments, il toussait. J'eus encore un petit moment d'incertitude, puis brusquement, comme quand on frotte une allumette dans une cave, il se fit en moi une vive clarté. Ayant ramené mes pieds sous mon banc, ayant assujetti mes coudes devant moi, ayant un peu bougé la tête, « Jordan ? Jordan de la Baumette ?» Il s'était redressé. « Jordan, puisque c'est l'occasion qui fait que nous nous rencontrons, je ne veux pas la laisser passer sans vous le dire. C'est la vérité. Je ne vous en veux plus. » Il ne m'avait pas reconnu. Il ouvrit seulement un peu la bouche. « Vous m'avez fait pourtant bien du mal autrefois, mais à présent, je vois que ce n'était pas votre faute. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on est égaux maintenant. Alors, à quoi bon rester ennemis ? On est des frères, à présent. » Il me regardait. « Qui êtes-vous ? Qui je suis, ça vous intéresse ? Quelqu'un qui est venu une nuit, devant chez vous. Il se tenait à la barrière du jardin, et il appelait dans la nuit. C'est vous qui êtes venu. Vous avez regardé par la fenêtre, et elle n'est venue qu'ensuite, celle que j'appelais. Elle a dit, il n'y a personne, ferme la fenêtre, tu vas prendre froid. Bien sûr que vous ne vous en souvenez pas, ça n'avait pas tant d'importance. Mais quand vous serez rentré chez vous, vous pourrez dire à votre femme que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a parlé d'elle. Quelqu'un qui l'a bien aimée dans le temps. » Il haussa les épaules, il me dit, « Oh, elle ?» Je dis, « Elle ?» Il reprit, « Oui, elle. » Et voilà, tout à coup, je me sentis heureux. Ma tristesse avait passé, je lui dis, « Il faut se comprendre. » Je continuai. « Je m'appelle Samuel Belay. J'ai été amoureux de votre femme dans le temps. Et puis j'ai quitté le pays. » Il me dit, « Vous avez eu joliment raison, savez-vous » Je me sentis plus gai encore, et par un besoin qui me vint d'affirmer ma supériorité, « Dites donc, recommençai-je, est-ce que vous n'accepteriez pas un verre ? On pourrait causer un moment ?»« Autant ça qu'autre chose, » me répondit-il. Prenant ma bouteille et mon verre, j'allai m'asseoir à sa table. Je l'avais maintenant juste en face de moi. Quand je tendais ma figure en avant, elle touchait presque la sienne. Je voyais tous les petits plis qu'il y avait dedans sa peau et comment ils s'entrecroisaient, pareils à autant de fils noirs. Je voyais aussi ses yeux rouges et qu'il ne lui restait que 2 dents sur le devant, 2 grandes dents, couleur de jus de pipe. Quand il refermait la bouche, elles restaient crochées à la lèvre d'en bas. Je tapai avec ma bouteille sur la table, la jeune fille revint, toujours du même, lui dis-je. Puis, me tournant vers lui, « Alors, ça n'a pas tant bien été ?» Il me dit, « Et vous ? Oh, moi, ça n'a pas tant mal été. » Il ne me semblait pas que je mentais. Véritablement, je croyais dire la vérité. Vous vous étonnez peut-être que je sois revenu. C'est qu'on commence à se faire vieux. On en avait assez de courir. Ah, c'est comme ça. Quel âge avez-vous ? 42 ans et 3 mois. Il hocha la tête. Moi, 51. Mais c'est comme si j'en avais 80. Moi, voyez-vous, je suis un vieillard. Alors, si vous voulez causer, je suis d'accord, je vous l'ai dit, mais il faudra que vous me parliez avec respect, parce que vous êtes un jeune homme, et moi un vieux. » Il hocha la tête, et les tira sur sa pipe, et puis ce fut comme s'il n'avait rien dit, les mots s'étant défaits dans l'air, mais moi je me fortifiais dans mon assurance. Je lui avais rempli son verre. « Voyez-vous, quand on revient dans son pays, on aime savoir ce qui s'y passe. Vous devez savoir les nouveaux. De quels nouveaux voulez-vous parler ?»« Des nouveaux d'il y a 20 ans, bien sûr. C'est encore des nouveaux pour moi. »« Tant mieux, me dit-il, cela je les connais. » Je repris. « J'ai été autrefois en service chez David Barba. Qu'est-ce qu'il est devenu ?» Il se mit à rire, renversant la tête en arrière, montrant sa bouche noire et ses deux grandes dents. « David Barba, c'est toute une histoire. » Je voyais qu'il était tout content, lui aussi. Et pour l'encourager, « Vous comprenez, je ne sais rien. » Il se leva, il alla jusqu'à la fenêtre. « C'est que j'ai la jument qui attend. » Il revint, il vida son verre d'un trait, et clignant un peu les yeux comme quand on a une confidence à faire, s'étant mis à parler plus bas. « Tu as peut-être su, il s'était mis sans s'en douter à me tutoyer, que sa fille cadette s'était noyée. Je l'ai su, dis-je, en ce temps-là j'étais encore chez lui. Et son fils, as-tu su ? Non, il me dit. Eh bien son fils, il s'est pendu. » Il m'expliqua qu'il avait fait défaut, qu'il avait été en prison, qu'à sa sortie de prison son père avait refusé de le recevoir. Alors, après avoir rôdé 2 ou 3 fois autour de la maison, on l'avait trouvé pendu dans la grange. « Edin, continua Jordan. Je me mis à rire, il me demanda, « Pourquoi ris-tu ? » Je dis, « Je ris parce que c'est juste. » Et sans doute que mon idée lui plut, car il se mit à rire aussi. « Naturellement que c'est juste. Il n'y a que ce qui est juste qui arrive. Verse-moi à boire, j'ai soif. » Il but longuement, moi de même, puis il passa sa main sur sa moustache, et il reprit. C'est presque à ce même moment que son autre fille, Julie, celle qui était mariée à Roche, arriva un jour en pleurant. Son mari venait de faire faillite. Le patatras d'un bout à l'autre, comme tu vois. Les familles, c'est un peu comme les maisons. Quand un chevron cède, tout cède. Sa fille noyée, son fils pendu, son gendre en faillite, sa femme tournée contre lui, qu'est-ce qui lui restait, au pauvre ? Il avait dû vendre les vignes d'en haut et une partie des champs en bordure du lac. On prétendait en outre que la maison était presque entièrement hypothéquée. Pourtant, il résistait toujours. C'est que l'orgueil le soutenait. Et puis, il se consolait avec la petite Lucienne. Tu te souviens peut-être d'elle. Elle a dû naître pendant que tu étais à la maladière, et elle venait bien. Alors, sais-tu ce qu'a fait la mère ? Écoute bien, Belet. Elle lui a annoncé qu'elle allait partir. Elle lui a raconté qu'elle avait une sœur à Paris et qu'elle irait passer quelque temps chez elle avec la petite. Il n'a rien dit. Il a seulement demandé « Quand est-ce que tu reviendras ?»« Je ne sais pas, mais je t'écrirai. »« Et tu es décidée à prendre la petite ?»« Bien entendu, » a-t-elle répondu. Un matin, elle est partie. Il restait seul. Il ne savait plus que faire. On le voyait tourner en rond dans le jardin. Il ne vous répondait pas quand on le saluait. On disait « Il attend sa lettre. » Il l'a attendu longtemps. Elle a pourtant fini par arriver. C'était en été, on la lui a apportée. Il était monté dans sa chambre pour la lire. Tout à coup, on a entendu un grand cri. En même temps, un bruit comme si le plafond tombait. On est monté. On l'a trouvé étendu, tout de son long, sur le plancher, la tête renversée sur lui. On a tout compris en lisant la lettre. Sa femme lui annonçait qu'elle ne reviendrait plus. Je tapai du poing sur la table en criant « ça y est !» et je riais parmi ma phrase. Je distinguais qu'il y a une loi, et que plus cette loi était dure, plus elle me satisfaisait. « C'est la dureté de la loi, dis-je, hein ? Qu'en penses-tu » Il me dit « c'est la dureté de la loi. » Et il but, et je bus. Il y avait à présent 3 litres devant nous. Il se caressait la moustache, il me dit « tu sais, ça n'est pas fini. » et, m'étant mis moi aussi à le tutoyer, « Eh bien, continue !» On ne faisait plus attention à rien, mais à ce moment, la jeune fille qui servait entra et dit à Jordan, « Dites donc, votre jument s'impatiente !» En effet, on l'entendait taper du pied dehors et tirer sur sa bride. Jordan prit son fouet et sortit. Il rentra, il me dit, « Je l'ai calmé. Tu comprends ? Il commence à s'impatienter. Quelle heure est-il » Je dis, « 6 heures. Charrette, me dit-il, on est ici depuis midi. » Il s'était rassis. « Ça ne fait rien, continua-t-il, on a le temps. Où est-ce que j'en étais de mon histoire ?» Il était tombé. « C'est ça, me dit-il. Eh bien, on l'a relevé, et on a vite été chercher son frère, le docteur. Peut-être que tu l'as connu, qu'il l'a ramené à la vie. » Il a dit que c'était une attaque, mais que l'autre s'en remettrait. Il s'en est remis, en effet. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne s'en remît pas. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'il n'avait plus sa tête. Il ne reconnaissait plus les gens. Il n'avait même pas reconnu son frère. Il n'avait plus qu'une seule idée qui était que sa fille allait revenir. Seulement, disait-il, il faudrait qu'elle se dépêche. C'est que, vois-tu, il y avait les morts, alors il prétendait qu'il les entendait rôder la nuit autour de la maison, et que, si elle ne se dépêchait pas, il l'emmènerait avec eux. « Ils viennent me chercher, disait-il, je sens bien, mais ils n'osent pas encore approcher. » On lui demandait « Quelle mort ?» Il disait « Ceux du cimetière. Il y en a 3. » Ma première femme, Rose, puis Robert. Ils s'entendent contre moi, ils veulent se venger. Tant que durait le jour, ça n'allait pas encore trop mal. Ils se promenaient dans la cour, ou bien ils restaient assis sur un banc, les mains croisées sur le corbin de sa canne, se contentant de regarder tout le temps du côté du chemin par où elle devait venir. Tu comprends qui je veux dire. Mais dès que le soir tombait, ils commençaient à devenir inquiets. On le voyait se lever. Il montrait le tronc des arbres, disant « Ils sont derrière, en voilà un, en voilà encore un !» On avait beau chercher à le tranquilliser, les paroles ne servaient à rien. On avait d'abord fait venir pour le surveiller une garde malade, mais ça n'avait pas voulu rester parce qu'il lui faisait peur. Alors, on avait été chercher des personnes de bonne volonté au village. Ils se mettaient à deux pour le veiller. On parlait de le mettre dans un asile. En attendant, on l'avait enfermé dans sa chambre. Mais il aurait fallu pouvoir murer la fenêtre, parce que c'était là qu'il se tenait toute la nuit. Tu comprends, cette fenêtre donnait justement sur le cimetière, qu'on apercevait au loin. Tu devines. Et les gens, eux aussi, finirent par avoir peur. Il ne lui restait plus que sa fille Julie, celle dont le mari avait fait faillite. Elle avait été habiter Lausanne, où l'homme avait trouvé une place dans un bureau. Son père, en cette occasion, s'était bien mal conduit avec elle. Toujours d'ailleurs, il l'avait méprisée et tenue à l'écart. Pourtant, elle vint tout de suite, et elle se dévoua à lui jusqu'au bout. C'était vers la fin de septembre. Le domaine devait se vendre au milieu d'octobre. Déjà, on avait collé les affiches, mais il ne s'en souciait plus. Il ne pensait qu'à ses morts et à Lucienne. À mesure que le temps s'écoulait, il la réclamait avec plus d'impatience. Il fallait que Julie trouvât chaque jour un prétexte nouveau à ce nouveau retard. Mais sa bonté le lui faisait trouver. Il ne l'avait pas reconnue, elle non plus. Toutefois, il avait fini par s'habituer à elle. Elle seule savait le prendre. Elle lui parlait doucement. Elle lui disait « J'ai lu dans les journaux que les trains de Paris ne marchaient plus, parce qu'il y a un pont qui est tombé. Il faut attendre qu'on ait refait le pont. » C'était 2 ou 3 jours de gagné. Seulement, les progrès de sa folie n'en étaient que ralentis. Elle allait, empirant quand même. On l'entendait crier depuis la ferme, et d'autres fois Julie était obligée d'appeler à l'aide, tellement il se débattait. Il n'y avait pas de trop à 3 ou 4 hommes pour l'arracher de sa fenêtre et le recoucher dans son lit. Il disait « Je sais bien, ils sont autour de la maison, j'en ai vu un derrière le rucher, il en a un autre qui se tient caché derrière la remise. Il se rapproche toutes les nuits un peu plus. Ah mon Dieu, c'est bientôt fini !» Il se taisait, il reprenait « À moins qu'elle ne vienne, tout est prêt !» On n'aura qu'à partir. Est-ce qu'elle ne viendra pas bientôt ? » Julie se penchait sur lui. « Papa, disait-elle, tu sais bien qu'il a fait mauvais temps tous ces jours-ci. Comment veux-tu qu'elle se mette en route ? Seulement le baromètre monte. Ça la décidera peut-être. » Mais il faut bien que tout ait une fin. Alors, laisse passer 8 jours. On est vers le milieu d'octobre. C'était, je crois, juste la veille du jour de la mise aux enchères. Comment ça s'est-il fait ? On n'a jamais bien su. Elle était descendue à la cuisine, probablement pour lui chercher à boire. On n'avait pas pensé à un vieux fusil de chasse qui était pendu dans le corridor. Il a dû profiter de l'occasion pour retourner se mettre à la fenêtre, et bien sûr qu'il les a revus. et pas au milieu de la nuit. On a retrouvé sur le carreau de la cuisine une tasse en 1000 morceaux. C'était Julie qui l'avait lâchée dans sa surprise. Mais courageuse comme elle était, la seule pensée qui lui vint fut d'aller retrouver son père afin d'empêcher un nouveau malheur. Elle est arrivée jusque sur le pas de la porte. Elle n'a pas été plus loin. Il y eut ce second coup de fusil. C'était un fusil de chasse à 2 coups. On a dû le lier de cordes. Il écumait. 3 jours après, il était mort. Cette fois, il y eut un silence, mais c'est plus fortement, du fond de ce silence, que mon rire monta. « Est-ce bien arrangé ?»« Hein ?» dit Jordan. On s'entendait parfaitement bien, on continuait à rire d'accord et à boire d'accord. Il nous fallut 2 ou 3 verres pour faire passer ce feu qu'on sentait, qui était le feu du contentement, et tout le reste disparut, à part cette espèce de flamme qui nous passait devant les yeux. Je repris. « Comme ça, tout a été raclé. » Il me dit, « Très tout, jusqu'à la maison, on l'a démolie. » Et ce fut le couronnement. Allongeant le bras par-dessus la table, je lui avais posé la main sur l'épaule. On se regardait avec tendresse. On sentait qu'on devait rester unis, parce qu'on était d'égale force. On le montrait bien qu'on était unis. Mais, à ce moment-là, la jument ayant recommencé de s'agiter, on sortit ensemble pour la faire tenir tranquille. Il voulait se mettre à l'abattre, mais je lui retins la main. « Doucement, vois-tu, elle aussi est avec nous. » Il me regarda, il me comprit. Nous nous mîmes à la caresser ensemble, lui passant et lui repassant la main sur les naseaux, tandis qu'elle aspirait fortement l'air en renaclant. On rentra dans l'auberge en se donnant le bras. Des gens allaient et venaient autour de nous. On ne prenait pas garde à eux. C'est qu'on était seuls dans le monde. Je l'amenais à notre table qu'il ne retrouvait pas parce que ses idées commençaient à s'embrouiller, mais moi j'y voyais encore assez clair, je le fis asseoir. Et désireux d'aller plus au fond des choses, car il fallait en finir. « Et Monsieur Loup ?» lui demandai-je. Il me dit « Mort. » « Et Monsieur Gonin ?» « Mort. » « Et Larpin ?» « Mort. » À chaque nom que je citais, il me répondait par le même mot. Je continuais de rire. « C'est comme une chanson, tu sais. » Un refrain à une chanson, ça pourrait se mettre en musique. Il me dit, la musique est toute faite, c'est toi qui l'as fait. Il entendait par là mon rire parce que je riais toujours. Je repris, il n'y a que nous qui restions debout. Il nous faut boire à notre santé. Et levant mon verre, à notre santé, à tous les deux. Il répéta, à notre santé, à tous les deux. On s'était levé pour trinquer, il se rassit. Alors il avança la tête vers moi et posant sa main sur ma main, « Dis donc, commença-t-il tout bas, on ne peut pas rester ici toute la nuit, on pourrait trouver mieux. Veux-tu venir la voir ?»« Qui ça ? » dis-je. « Elle, bien sûr. Elle n'est plus bien belle, et moi, je ne suis plus jaloux. » Je m'écriai, « Ça c'est une idée !» éclatant de rire une fois de plus. Nous nous levâmes, alors repris-je, elle aussi, elle a été raclée. « Parbleu, me dit-il, la première, mais elle ne l'a pas volée. » Il fallut que je lui donnasse le bras, de nouveau. Sans quoi je crois bien qu'il ne serait pas arrivé à la porte. Il faisait tout à fait nuit. On eut assez de mal à détacher la jument. Je la tins par la bride pendant qu'il montait sur le siège. Alors, à mon tour, je m'avançai pour prendre place à côté de lui. On continuait de parler. Et debout à côté du siège, cherchant avec le pied l'essieu que je n'arrivais pas à trouver, « Pour une idée, lui disais-je, c'est une idée !» La jument était pressée de partir. Il cria « Hé !» en tirant sur les rênes. Mais le pied, encore une fois, me manqua. « Tiens-la bien, lui dis-je, sans quoi je ne pourrais jamais monter. » Puis, revenant à mon sujet, « C'est qu'elle était belle autrefois. Oh, le joli cou qu'elle avait !» Je m'aperçus qu'il ne riait plus. Je n'en continuais pas moins, et des bras durs, tu sais. Il me demanda, « Qu'est-ce que tu dis ?» Je t'énonçai. « Une peau comme de la soie. Et quelle bouche, quelle bouche ! Et le goût de miel que sa bouche avait !» Il répéta, « Tu dis ?» Et comme il se détachait en noir sur la fenêtre éclairée, je vis qu'il levait son fouet. J'avais fini par trouver l'essieu, je voulus reculer, mais mon pied restait en l'air, et la jument, impatiente, ayant fait un bond en avant, je roulais dans la poussière. Fin de la 2e partie.